acier dans ta prison. Tu dors encore au QHS des prisonniers, joue toutes les nuits avec la mort. Les bruits de couloir et les matons, la lune se noie dans le caniveau. Tous ces cauchemars dans ta chevron, les araignées dans ton cerveau. Cellules béton, barreaux d'acier, dans ta prison, tu dors encore au QHS. Les prisonniers jouent toutes les nuits avec la mort. Il n'y a plus qu'une blessure, une souffrance, la peur du noir. Demain tu sors, c'est la cassure. Tu poses tes chaînes pour un espoir. Les bruits de la ville au petit matin et ce soleil qui t'éblouit. Derrière ta gueule, il y a ton chagrin. Les gens pour toi sont des zombies. Amour volé pour un voyou, un peu de bonheur, beaucoup de tendresse, passion sans porte et sans verrou. Perche Carrera pour l'aventure, direction sud en plein soleil. C'est un pansement sur la blessure, la vie, la mort, tout est pareil. Cellules béton, barreaux d'acier, dans ta prison, tu dors encore au QHS. Les prisonniers jouent toutes les nuits avec la mort. Cellules béton, barreaux d'acier, dans ta prison, tu dors encore au QHS. Les prisonniers jouent toutes les nuits avec la mort.